franceinter.fr. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima Sana. In corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. L'esprit, c'est elle. Le corps, c'est lui. Docteur Philippe. Et Margaret de Beaulieu. Auxerre, Philippe, je suis sûre que tu as pléthore d'anecdotes à nous faire partager. Eh oui, Auxerre, ville de Bourgogne, qui se situe à une altitude moyenne de 100 mètres et qui s'est établie eh bien, à partir de la butte, surplombant la rivière. Oh ! Eh oui ! Bonjour, Jean-François d'Auxerre. Bonjour, Philippe. Docteur. Bonjour, Margaret. Qu'est-ce qui vous amène, mon vieux ? Ben, je suis plutôt triste, hein, parce que j'ai un chagrin d'amour. Oh ! Non, allez, ça va aller ! C'est la psychothérapeute qui vous le dit. Oui, c'est gentil. En fait, on se connaît. Je vous ai appelé il y a quelques mois parce que j'étais très amoureux de cette personne. Mmh. J'hésitais, puis vous m'aviez conseillé de laisser parler mon cœur. Oui, est-ce que vous pouvez être plus précis, Jean-François ? Ben, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'étais très amoureux de Gaufrette. Ah oui ! Gaufrette ! Gaufrette, la jolie caniche royale, abricot. Hein ? Voilà. Donc j'ai suivi vos conseils, je lui ai avoué mes sentiments qui étaient réciproques et là on a vécu une période d'amour, pour ainsi dire, fusionnelle et une passion physique extraordinaire. On faisait l'amour tout le temps, partout, je ne pouvais pas me décoller d'elle. Oui, alors ça c'est rien, c'est une contraction de la vulve, c'est fréquent chez les chiennes. Il faut rester calme et puis attendre que ça passe, il ne faut surtout pas essayer de tirer. Non, mais je veux dire que c'était qu'on était inséparables, quoi. Ah, d'accord. Pardon. On n'arrêtait pas, et puis comme on a dû quitter Sens précipitamment parce que ça se passait pas bien. Bon, pourquoi ? Ben, la boulangère avec qui elle vivait n'a jamais accepté qu'elle vienne chez moi, et puis notre relation, tout simplement. Ouais, vous avez fui alors. Bon, c'est romantique. C'est romantique, mais c'est pas facile. Vous savez, on a été obligé de partir en apportant le strict minimum, son coussin, son os en peau de buffle, et hop. Vogue la galère. Oui, mais tant qu'il y a de l'amour, tout est possible, hein ? Ben, au début, oui, sauf que maintenant, je sens que quelque part, elle me reproche déracinement. Et on veut de l'avoir éloignée de ses proches. Mmh. À Auxerre, on connaît personne. On est tout le temps coincés l'un sur l'autre. Oui, mais ça, c'est pas grave. Hein. Il suffit de rester calme et surtout de ne pas tirer. Oui, non, mais je veux dire qu'on voit personne, quoi. Ah, d'accord, pardon. Puis j'ai pas encore retrouvé de travail, je touche le RSA. Et c'est vrai que je peux pas lui offrir le même train de vie qu'à Sens. Enfin, vous comprenez, pour elle, rien n'était jamais trop beau. Oui, mais vous ne pensez pas que vous l'avez mal habituée ? Ben, c'est sûr que le toilettage toutes les semaines et le filet de bœuf tous les jours, faut assurer. Et du coup, depuis que je l'ai remise aux croquettes, eh ben, elle me le fait sentir et elle se laisse complètement aller. C'est-à-dire ? Oh, ben, elle se traîne. Elle a le poil tout sec, la truffe tiède, elle a la queue toujours basse. Bon, dans un sens, je préfère, parce que si c'est pour voir l'état de sa rosette, alors franchement, ça me fait mal au cœur. On dirait, vous savez, comme les fesses de vache, là, tout collées et crottées. Comme elle s'épile même plus, vous imaginez. Puis elle fait bien claquer ses griffes sur le carrelage pour me faire culpabiliser de ne pas avoir les moyens de lui faire couper. Quand je lui propose de lui faire, elle dit que lui fait mal. On fait quasiment plus l'amour. Et depuis quelques jours, elle est tout le temps fourrée dans le jardin à chercher le labrador du voisin. Bon, ben, je m'en fous, je suis allé le voir. Je lui ai dit, dis donc le négro, tu t'approches de ma gaufrette, je t'en colle une. Hein. Il a fait, celui qui ne comprenait pas, il a fait semblant d'être tout content en agitant sa queue, tu penses. Oui, non, mais vous devez rester serein, Jean-François. Dans tous les couples, il faut gérer la transition de la passion vers quelque chose d'autre qui reste de l'amour. Ça ressemble fort à la crise des 3 ans, ce que vous me décrivez là. Ben, ça fait 3 mois. Oui, mais pour un chien, 3 mois, c'est 3 × 7, 21. Ça fait presque 2 ans, c'est le début de la crise. Hein. Est-ce que vous n'êtes pas trop après elle, hein, trop à sa disposition ? Elle sait que dès qu'elle vous veut, elle vous a. Et oui, votre couple n'échappe pas à la règle. Fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Ah oui, ça, c'est vrai. Quand je veux attraper Dietfried, c'est mon dog allemand, enfin notre dog, il détale. Et dès que je tourne les talons, hop, il me suit partout. Voilà. Eh ben les femmes, c'est pareil. Ah bah oui, mais moi c'est les deux, alors vous imaginez. Ah oula, oui. Et Et pourquoi vous ne regardez pas ailleurs, justement, pour lui faire comme un électrochoc, une piqûre de rappel? Ah oui, j'ai déjà fait ça. Il y a une semaine, j'ai eu une aventure d'une nuit. Et elle-même n'était pas rentrée la nuit d'avant, et du coup, je suis sorti, dragué, quoi. Il faisait nuit, c'était sur les quais. Je me suis fait aborder. J'avais un peu bu, et puis j'ai fait quelque chose que je regrette aujourd'hui. Ah oui, mais là, Jean-François, vous vous mettez en tort, vous ne pouvez pas agir comme ça. Oui, je sais, mais je regrette. Bon, écoutez, vous avez réagi sous le coup des pieds amoureux, c'est mal, mais ça ne sert à rien de culpabiliser. Vous n'êtes pas resté en contact avec cette femme? Non, mais c'est un lévrier afghan. Oh bah, dites-toi, vous avez un truc avec les chiennes, vous. J'ai honte. Mais il ne faut pas. Oh, si, c'est un mal. Allô? Ah, ne me laissez pas comme ça, dites quelque chose. Est-ce que vous êtes de la jaquette? Pardon? Est-ce que vous êtes de la jaquette? Non, c'est par désarroi, j'ai voulu me punir. Oui, en vous salissant. Attention Jean-François, plus jamais, pas de blague mon vieux. Oh là non. Bon Jean-François, je vous entends, et j'opterai pour une solution toute simple. Faites une surprise à votre chérie, vous organisez un bon gueuleton aux chandelles et au moment du dessert, vous établissez ensemble une colonne des plus et des moins de votre couple. Bah oui Jean-François, il doit bien y avoir des plus quand même. Bah je pense, oui, enfin, je sais plus trop quoi. Oui bah alors là, si vraiment votre relation ne rime plus à rien, vous l'attachez à un boulot sur une aire d'autoroute ou tout simplement vous la faites piquer. Voilà Jean-François. Eh oui, si tout pouvait être aussi simple. Oh. Et puis alors la bise à gaufrette Jean-François. D'accord, merci. Merci. Au revoir. C'est triste, on aura vu naître et périr cette belle histoire, hein, si ça se trouve. Oui, oh ben laisse-leur une chance, Marga, même si Martha Scott nous rappelle que si jamais vous traitez un chien comme un humain, il vous traitera comme un chien. Voilà. Alors, prends-en de la graine, Margaret, et essaie un peu la colonne des plus et des moins avec ton Dietfried. Mais arrête avec ça. Ouais. Oh là là, tu vas être jaloux. Bon, merci Yann Chouquet pour cette mise en onde. Au revoir à tous, au revoir Philippe. Merci, au revoir Margaret. À votre écoute, coûte que coûte, c'est aussi vos commentaires sur franceinter.fr. Dans un instant, carnet de campagne avec Philippe Bertrand.